L'info média du jour, c'est M Pokora qui sortira le 21 octobre prochain son nouvel album My Way, uniquement composé de reprises de Claude François. L'opus est actuellement porté par le single Cette année-là et un nouvel extrait devrait même prochainement être lancé sur les radios afin d'en montrer une autre facette. Alors dans son nouveau défi musical, M Pokora peut compter sur un soutien de taille, celui de TF1. En effet, la chaîne a décidé de chouchouter le chanteur aux 13 années de carrière. Tout a commencé au printemps dernier quand, dans le plus grand secret, il a quitté le label Parlophone France pour rejoindre TF1 Musique. Le disque de reprise sera donc distribué par TF1 Entreprise et pour qu'il fonctionne, le groupe a mis les moyens. Quelques mois après avoir rejoint l'aventure The Voice Kids, il lui a été proposé de devenir coach à la place de Garou. Vous en souvenez, on s'en était fait l'écho dans cette rubrique. Dans The Voice, donc, il remplace Garou, dont les enregistrements commenceront dans un mois. Pas ceux de Garou, hein, ceux de M Pokora. Et ce murmure qu'un prime de danse avec les stars devrait être consacré à l'album de reprise du chanteur. Les candidats pourront donc danser sur les versions 2016 des titres de Claude François, lui faisant donc au passage une promotion gratuite pour son nouvel album et pour sa tournée My Way Tour qui sera lancée en même temps. Ah, quand on décide de faire la promo d'un chanteur, on n'y va pas de main morte là à TF1. Or que ça a l'air quand même pas trop mal là. Il est 6h15, dans une minute à peine, on fera un point sur la météo. Vous avez vu qu'il y a quand même un sacré changement dans le ciel. Et puis dans les températures, bah il fait même froid ce matin. Énergie Nouméa, 93.5. L'ASFAC, votre spécialiste de la pièce détachée automobile. Outillage et peinture automobile. 27 87 87. www.a5.nc, le site de référence de la location de véhicules. Moins 10% si vous payez en ligne sur a5.nc. Quick ! Ça y est ! Quick a ouvert un nouveau restaurant à Dimbéa-sur-Mer. C'est juste en face du Midi-Pôle. Une salle et une terrasse magnifiques, une aire de jeu géante, un drive, et ils font même la livraison à domicile gratuite jusqu'à Coutuo. Moi je dis que c'est super, super, super ! Quick Midi-Pôle, votre nouveau Quick à Dimbéa-sur-Mer. Quick ! Le coup d'affaire plus ! Quick ! Vous avez plus de 24 ans? Vous êtes passionné d'automobile? Peugeot Nouvelle-Calédonie organise un casting de pilotes d'essai pour tester en avant-première les nouveautés Peugeot. Inscription avant le 30 octobre sur www.essai.peugeot.nc. Seulement 6 places disponibles. Ménard Automobile, 41 44 70. Envoie 10 sous au 41. Mais non, c'est pas 10 sous qu'il faut envoyer, c'est 100 comme 100 000 francs. Un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie 100 CENT au 41. Énergie t'offre un bon d'achat de 100 000 francs. Valable dans un supermarché de Nouméa. Envoie 100 CENT au 41. 100 pour 100 000 francs. Et tu pourras faire tes courses pendant quelques mois pour seulement 368 francs. Envoie 100 CENT au 41. Et à toi, le bon d'achat de 100 000 francs. Validité 6 mois dans un supermarché de Nouméa. Envoie 100 CENT au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage sort le 31 octobre à midi en direct sur Énergie. Le 05 34 34, c'est le numéro vert d'Énergie et c'est gratuit. Avec Olala, pour le plaisir de séduire, mettez plus de sensualité dans votre vie. Olala, votre love shop sur Lansvata. Info route, besoin d'un renseignement, d'intervenir à l'antenne, de râler, de nous aimer? Composez le 05 34 34, le numéro gratuit d'Énergie. Plus la peine de vous tracasser sur la durée de votre appel. Le 05 34 34, c'est gratuit. Grâce à qui? Olala, conseil et discrétion à votre portée sur www.olala.nc. Olala.nc pour le plaisir de séduire. Le bulletin météo d'Énergie. Avec Ménard Occasion, acheter ou vendre sa voiture au meilleur prix, c'est simple et c'est un seul numéro, 41 45 08. Et on va commencer avec cette vigilance jaune pour vent violent pour des vents de secteur sud-ouest atteignant 35 à 40 nœuds en rafale sur le nord-ouest et Bélep au passage de la bande pluvieuse ce matin. Vigilance jaune forte pluie orage cette fois-ci pour des averses localement soutenues le matin sur le nord de la côte ouest, toute la journée sur le sud et au Loyauté. Alors une bande nuageuse donc aborde la façade ouest au lever du jour, vous l'avez compris. Elle donne temporairement un ciel couvert avec de bonnes averses et des amas nuageux porteurs parfois d'averses soutenues circulent sur le sud, l'ouest et au Loyauté. Du coup, dans l'après-midi, le soleil s'impose sur la moitié nord de la Grande Terre, malgré des averses résiduelles sur la façade ouest, mais des paquets nuageux circulent sur le sud et au Loyauté en donnant encore des averses qui peuvent localement prendre un caractère orageux. Du côté des températures, eh bien, les maximales perdent encore quelques degrés. On est dans une fourchette de 22 à 26. Demain, la journée est bien ensoleillée sur le pays. Toutefois, quelques ondées circulent sur le sud et au Loyauté, ainsi que sur le relief l'après-midi, avec des débordements nuageux vers l'ouest. Énergie, 6h19. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec Mina Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook. Tell her try your best just to make it quick. Pull my tent to the sick. There must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. My night nurse. Oh gosh. Oh, the pain is getting worse. I don't wanna see no doc. I need attendance from my nurse around the clock. There's no prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse. Only you alone can quench this thirst. Prescription for me. She's the one, the only remedy. Night nurse. Only you alone can quench this your thirst. gets me down. Everybody plays a beautiful game while I'm in Brazil. Cause it's all you've ever wanted, and it's all that you want still. Don't you wanna play the beautiful game out in Brazil? Thank you. bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériau Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. Énergie, 6h30, on a trois fêtes aujourd'hui, celle de Ghislain, Ghislaine ou encore Virgile. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Un avion d'Air Calin est cloué au sol au Japon. Faux départ donc de Tokyo. Une anomalie constatée jeudi sur un volet de bord avait nécessité une réparation. Après une intervention des équipes de maintenance à la Tontou Tai, un vol test concluant, l'avion avait pu être remis en service. Mais samedi, au décollage de Tokyo, l'avion a présenté de nouveau un défaut, conduisant l'appareil à se reposer à Narita. Les 239 passagers concernés ont été pris en charge dans des hôtels de la capitale, aucune place n'étant disponible au départ du pays du soleil levant. À Tokyo, les investigations ont débuté afin d'assurer une remise en service rapide de l'avion. En attendant, Air Calin s'organise. Le vol SB600 prévu hier au départ de Nouméa partira aujourd'hui à 10h35 pour une arrivée à 19h, heure locale. Justice, après Alexis Hanoé comparaissait devant le tribunal correctionnel vendredi matin pour un caillassage de militaires à Canala le 22 janvier 2015. Une quarantaine de pierres avaient été jetées, pesant entre 1 et 3 kilos. Alexis Hanoé est soupçonné d'être le meneur de cette expédition, au cours de laquelle deux gendarmes ont également été blessés à la tête par balle. En plus des 3 ans de prison ferme, il a interdiction de détenir une arme pendant 10 ans et la suppression des droits civiques pendant 5 ans. En Essonne, 4 policiers attaqués avec des cocktails Molotov. Les policiers étaient en mission de surveillance à proximité d'un feu de signalisation d'une cité difficile à une trentaine de kilomètres au sud de Paris, connue pour ses vols avec violence contre des automobilistes lorsqu'ils ont été attaqués donc samedi par une quinzaine de personnes avec des cocktails Molotov. Le pronostic vital d'un policier de 28 ans est engagé. Sa coéquipière de 39 ans présente dans la voiture prise d'assaut est très grièvement brûlée et reste hospitalisée. Les deux autres policiers agressés de la même manière au moment où ils arrivaient en renfort à bord d'un autre véhicule, eux, ont pu quitter l'hôpital. Les agresseurs n'ont toujours pas été identifiés, mais des objets trouvés dans et à proximité des véhicules vont être expertisés et les bandes vidéo de plusieurs caméras font actuellement l'objet d'une analyse technique. L'ouragan Matthew, qui a fait près de 900 morts et des milliers de sans-abri en Haïti, a perdu de sa puissance samedi en abordant la Caroline du Sud après avoir longé les côtes de Floride et de Géorgie, où il a provoqué de graves inondations et des coupures d'électricité. 11 morts ont été signalés dans le sud des États-Unis. Les vents de Matthew, l'ouragan atlantique le plus puissant depuis 2007, soufflent désormais à 120 km/h, soit la moitié de la vitesse de la semaine dernière. En dépit de son affaiblissement, la dépression pourrait toutefois provoquer de graves inondations cette fois-ci en Géorgie et en Caroline du Nord. Enfin, c'est un carnage. Une grande cérémonie funéraire se déroulant samedi à Sanaa au Yémen a été frappée de plein fouet par une attaque aérienne dévastatrice. Près de 140 personnes auraient perdu la vie et 525 personnes auraient été blessées selon l'ONU. La capitale yéménite est contrôlée par les rebelles chiites contre lesquels se bat la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. I feel like Superman, they gon' remember me. I think I know I can. Who says it's hard to reach? Who's gonna stop me on the road to success? I don't know. Mais je reste élevé, même s'ils veulent pas comprendre, ils vont pas me briser. Pourquoi notre terre est-elle remplie de douleur? Je ne sais pas. Parfois je me sens complètement privé d'air. De temps à autre je sais pas ce que je devrais faire. Il y a des jours où je veux fuir la lumière, mais tout va bien quand je m'allonge dans tes bras. Quand je m'allonge dans tes bras. that's moving without me. Who doesn't want a machine so they can go back in time? I don't know. My time went by too fast. There's no one left but me. I've got a 9 to 5, and it gets the best of me. This is the life I'm gonna live to the end, but I'm okay when I lie down in your arms. Oh, oh, oh, oh, hey. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, quand je m'allonge dans tes bras. Oh, oh, oh, oh, hey. Oh, oh, oh, oh, oh, quand je m'allonge dans tes bras. Parfois je me sens complètement privé d'air. C'est pas ce que je devrais faire. Il y a des jours où je veux fuir la lumière, mais tout va bien quand je m'allonge dans tes bras. Volute part en fumée, volute fond des nuées de scrupules. Volute part en fumée, vers des flûtes enchantées et des cruelles espérances. Me lance des dagues et des lances. En toute innocence, volute part en fumée, sous les yeux embués d'étranges libellules. Pour une grimace et un rictus de plus. Je fais des heures sous, je m'en donne de la peine, je cogite, je m'agite, je rejoue la scène. fumée. Pour bien démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, 7000 mètres carrés de matériaux de construction pour réaliser et bâtir vos projets. 28 0404. C'est l'heure de quoi ? Bah de se lever, mesdames, messieurs, puisque vous allez entendre votre horoscope. Bon, allez. Tous les jours, découvrez signe par signe ce que vous réservent les astres pour votre avenir avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Belleville. Bonjour à tous, aujourd'hui lundi 10 octobre, place à votre horoscope et les béliers. La journée vous permettra de régler un problème récurrent. Vous tenez le bon bout. En couple, les taureaux, vous accélérez le rythme. Votre partenaire vous fait comprendre qu'il souhaite davantage s'engager avec vous. Les gémeaux, profitez de cette journée pour faire évoluer votre situation. Les cancers, vous vous montrerez à l'écoute et attentif aux confidences. Pour ce qui est des lions, eh bien vous pourriez trouver une belle harmonie avec une personne que vous connaissez bien. C'est décidé, les vierges, aujourd'hui vous jouerez carte sur table et vous aborderez enfin les sujets qui fâchent. Balance, vous mettez fin aux situations équivoques. En amour, vous avez bien compris où se trouvent vos priorités. Scorpion, vos amis approuvent toutes les décisions que vous pourriez prendre aujourd'hui. Sagittaire, avec une Vénus aussi bien disposée, il ne serait pas exclu que vous fassiez la rencontre de votre vie. Capricorne, votre vie conjugale traverse une crise. Attention à ce que vos mots ne dépassent pas votre pensée. Tout au long de la journée, les Verseaux, votre dynamisme est communicatif. Vous ne manquez pas d'idées. Et les Poissons, votre discipline devrait être importante si vous ne voulez pas vous retrouver submergé par vos obligations. Excellente journée à tous. L'horoscope avec les bijouteries Chloé et Maison de la Montre. Centre-ville, Port-Plaisance et Belleville. I could find my reasoning. Matériaux Center, acier, bois et dérivés, clôture et grillage, 28-04-04. Dans un instant, je vous parle de Virgile pour l'info, Delphine. Et moi, je vous parle d'une anomalie qui contraint un avion d'Air Calin d'être coincé à Tokyo. Là, depuis samedi, plus de 200 passagers sont à Tokyo et puis on en parle dès 7h. Virgile nous vient du latin virga qui signifie petite branche souple. Oui, viagra, ça veut dire petite branche dure par contre. S'inventer. Alors, quel dynamisme, quel entrain, quelle vivacité, quelle impulsivité. Les Virgiles n'apprécient guère les contraintes et chérissent la liberté. C'est un prénom plutôt rare, avec la meilleure année 2003 et 217 naissances de Virgile cette année-là. En 2013, 100 garçons ont reçu ce prénom et l'âge moyen de Virgile actuellement est de 35 ans. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Sawadika, Kanikata et bien-être au quartier latin de 9h à 20h du lundi au dimanche au 29 89 89 et sur Facebook. Parking assuré. Now. Mazda nouveau BT50, le pick-up tout-terrain en simple ou double cabine. Mazda, au-delà des conventions. Parking Ixon, Vallée du Tir et Magenta. Mazda.

avec un Coca-Cola bien frais. Savoure chaque journée. Vibre au rythme de l'amitié. Profite de ta vie. Ajoute un peu de folie. Savoure chaque moment. Savoure l'instant. Énergie Nouvelle-Calédonie. Energy 93.5. Énergie, il est 7h. Bonne fête à Ghislain et à Ghislaine ou encore à Virgile. Sachez qu'aujourd'hui, eh bien, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Et moi, ça va. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. Nouvel incident sur un vol Air Calin. 239 passagers sont bloqués à Tokyo depuis samedi. Puis un policier est entre la vie et la mort après une attaque au cocktail Molotov dans l'Essonne. Enfin, Donald Trump est dans la tourmente avant le deuxième débat crucial. Nous sommes le 10 octobre. Bonjour Delphine. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Un avion d'Air Cal est donc cloué au sol à Tokyo. Une anomalie constatée jeudi sur un volet de bord de fuite avait nécessité une réparation. Après une intervention des équipes de maintenance à la Tontouta et un vol test concluant, l'avion avait pu être remis en service. Oui, mais voilà, samedi au décollage de Tokyo, l'avion a présenté de nouveau un défaut, conduisant l'appareil à se reposer à Narita. Les 239 passagers concernés ont été pris en charge dans des hôtels de la capitale. Aucune place n'étant disponible au départ du pays du soleil levant. À Tokyo, les investigations ont débuté afin d'assurer une remise en service rapide de l'avion. En attendant, Air Calin s'organise. Le vol SB600 prévu samedi au départ de Nouméa partira aujourd'hui à 10h35 heure locale pour une arrivée à 19h heure locale. Près de 7000 personnes ont fréquenté le salon Bat Expo. Moins de monde que d'habitude, mais salon record en termes d'exposants. Ils étaient plus de 110 professionnels cette année à cette 26e édition. Ce rendez-vous annuel organisé à la Maison des Artisans à Nouville a donc été honoré par près de 7000 personnes. Si c'est moins que les 8000 attendus, les professionnels, eux, y ont trouvé leur compte en prenant des contacts via le salon. Justice et 3 ans de prison pour le caillassage de gendarmes. Alexis Hanoé comparaissait devant le tribunal correctionnel vendredi pour un caillassage des militaires à Canala. C'était le 22 janvier 2015. Une quarantaine de pierres avaient été jetées. Elles pesaient entre 1 et 3 kilos. Alexis Hanoé soupçonné d'être le meneur de cette expédition au cours de laquelle deux gendarmes ont également été blessé à la tête par balle. En plus des 3 ans de prison ferme, il a interdiction de détenir une arme pendant 10 ans et la suppression des droits civiques pendant 5 ans. Un mot sur le triathlon cross de Vaud. Jérémy Aubosil est arrivé premier samedi en 1h14 devant Sylvain Florio et Johan Samanich. Une bonne préparation avant son départ pour le championnat du monde de triathlon cross qui se déroulera le 19 novembre en Australie. Chez les femmes, Céline Hirzel s'impose en 1h26 devant Nathalie Viratel et Charlotte Robin. En Essonne, 4 policiers attaqués par des cocktails Molotov. Les policiers étaient en mission de surveillance à proximité d'un feu de signalisation d'une cité difficile, connue pour ses vols avec violence contre des automobilistes lorsqu'ils ont été attaqués samedi par une quinzaine de personnes avec des cocktails Molotov. Le pronostic vital d'un policier de 28 ans est engagé. Sa coéquipière de 39 ans, présente dans la voiture prise d'assaut, est très grièvement brûlée aux mains et au visage et reste également hospitalisée. Les deux autres policiers agressés de la même manière au moment où ils arrivaient en renfort à bord d'un autre véhicule ont pu, eux, quitter l'hôpital. Les agresseurs n'ont toujours pas été identifiés, mais des objets trouvés dans et à proximité des véhicules vont être expertisés et les bandes vidéo de plusieurs caméras font actuellement l'objet d'une analyse technique. Alors cette agression a été condamnée jusqu'au plus haut sommet de l'État. François Hollande, qui a dénoncé une attaque inqualifiable et intolérable, a assuré que, je cite, tout sera fait pour retrouver les auteurs de cette attaque. L'ouragan Matthew s'affaiblit. L'ouragan qui a fait près de 900 morts et des milliers de sans-abri en Haïti a perdu de sa puissance samedi en abordant la Caroline du Sud après avoir longé les côtes de Floride et de Géorgie où il a provoqué de graves inondations et des coupures d'électricité. 11 morts ont été signalés dans le sud-est des États-Unis. Les vents de Matthew, l'ouragan atlantique le plus puissant depuis 2007, soufflent désormais à 120 km/h, soit la moitié de la vitesse d'il y a quelques jours. En dépit de son affaiblissement, la dépression pourrait toutefois provoquer de graves inondations en Géorgie. Énergie en Caroline du Nord. L'Arabie Saoudite de nouveau sur la sellette après le bain de sang au Yémen. C'est un carnage. Une grande cérémonie funéraire se déroulant samedi à Sanaa a été frappée de plein fouet par une attaque aérienne dévastatrice. Près de 140 personnes auraient perdu la vie et 525 personnes auraient été blessées selon l'ONU. La capitale yéménite est contrôlée par les rebelles chiites contre lesquels se bat la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite. La salle visée accueillait des dignitaires, des militaires et une grande majorité de civils, tous venus présenter leurs condoléances pour la mort du père du ministre de l'Intérieur des rebelles. Le maire de la capitale en figure également parmi les morts. Et puis fragilisé après ses propos obscènes, Trump exhume des accusations de viol contre Clinton. Les vieux dossiers, les affaires sexuelles prenaient le dessus dans la campagne électorale américaine dimanche à quelques heures du deuxième débat opposant Donald Trump et Hillary Clinton. Le candidat républicain affaibli par la publication vendredi d'une vidéo de 2005 dans laquelle il tient des propos obscènes a riposté dimanche en relayant cette fois-ci une vidéo de Juanita Broderick racontant son viol en 1978 par Bill Clinton. Un procès sur cette affaire avait d'ailleurs été ajourné en 2001 et aucune charge n'a été retenue contre Bill Clinton. Alors en exhumant cet ancien dossier, Donald Trump accuse en fait Hillary Clinton d'avoir été complice en exerçant des pressions sur les victimes de son mari. On termine par l'info insolite. Eh bien, bonne nouvelle ou pas, la première ministre norvégienne est très au fait avec les nouvelles technologies. C'est même une pro des jeux sur son smartphone. Un peu trop d'ailleurs, puisque en plein débat parlementaire, elle s'est carrément fait pincer JB en jouant, en train de chasser les Pokémon. C'est la grande folie avec ses smartphones. Voilà. Sauf que c'était un débat parlementaire très important. Alors, ça grince un petit peu des dents, mais elle a quand même le soutien de certaines personnes. T'as la chef du Parti libéral norvégien qui a montré son soutien. Et elle expliquait, nous les femmes sommes capables de faire deux choses en même temps. Bon, sauf que la libérale, elle n'est pas très impartiale, parce qu'il faut savoir qu'elle, elle a également été surprise en train de chasser les Pikachu et Ronflex, les Pokémon Go, lors d'une réunion. Mais elle, c'était au mois d'août sur la sécurité du pays. Ça fait un peu mauvais genre. D'accord, bah Pikachu Premier ministre alors. Bah peut-être. Eh ben alors, tout c'est va bien. C'est lui qui va prendre les décisions. Exactement. Ça ne pourra pas être pire forcément dans certains cas. Énergie 7h07, ses propos n'engagent que moi et Pikachu. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. démarrer la journée, c'est le Morning Energy. Avec Matériaux Center, l'univers des matériaux de construction à Ducos, Zico Païta et Point Bout. Et c'est aujourd'hui la journée mondiale de l'œuf. Oui, bon, cette journée, elle est plutôt française. Hein. Ce sont les professionnels français de l'œuf qui ont créé cette journée il y a 2 ans maintenant, puisqu'ils sont quand même avec du cœur. Ils ont offert en 2011 100 000 œufs aux associations caritatives pour en offrir 500 000 l'année dernière. Alors, il faut savoir que 97% des Français consomment des œufs, dont 78% au moins une fois par semaine. Cet apport de protéines bon marché a donc toute sa place dans notre alimentation et la France, première en Europe pour sa production d'œufs et ses 46 millions de poules pondeuses, peut s'enorgueillir de posséder une filière avicole de premier plan qui représente globalement 15 000 emplois directs et indirects. Et c'est justement ce pondu en France que veut promouvoir la filière des poules pondeuses. Voilà pourquoi ils ont créé cette journée mondiale française. Et vous, bon, la blagounette du jour, on y va? Oui, on peut y aller quand même, tant pis. Je me lance. Et vous êtes capable de faire un 8 avec votre bouche? Non, parce que les poules, elles arrivent à faire un 9 avec leur cul. Oui, bon, on n'ira pas plus loin. Énergie Nouméa. 93.5. Optique 2000, le meilleur choix pour vos lunettes sur www.optique2000.nc. Optique 2000. Nouvelle vision de la vie. Une adresse pour vous meubler? Meubles Import. Des meubles originaux, de tout style, à tous les prix. Livraison, facilité de paiement, grand parking. Meubles Import, face à la gendarmerie de Normandie, 43 68 82. Body Action, nutrition sportive, matériel de remise en forme, fitness et accessoires. Faites-vous conseiller par Body Action. Toutes les infos sur Facebook. Body Action, le seul spécialiste de la forme depuis 28 ans. Il y a du nouveau chez Vive. Un emballage transparent qui n'a rien à cacher. Un pain moelleux aux céréales. Des recettes originales, gourmandes et toujours plus équilibrées. Découvrez la nouvelle gamme de sandwichs Vive au pain céréales. Chèvre, saumon, serrano, crudité. Savourez le bon goût de la tradition avec la nouvelle gamme de sandwichs Vive au pain céréales. Confectionnée dans notre boulangerie. Vive, mangez sain, mangez frais. Du 7 au 15 octobre, venez participer au festival La Première Séance Orex Nouméa. Au programme, des ateliers, des animations et des films au prix unique de 100 francs. La première séance, un feu d'artifice d'émotion présenté par l'association Jeunes Étoiles et la ville de Nouméa. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Jusqu'au 23 octobre, profitez de l'opération piscine plein air chez Monsieur Bricolage, Ducos, Kenwin et maintenant Conné. Fauteuil suspendu double, 94 900 francs. Combiné barbecue ou four à pizza à gaz, 79 900 francs. Bain de soleil, swing futon, terracotta, plus coussin, 21 900 francs. Monsieur Bricolage, Ducos, Kenwin et Conné. On peut compter sur lui. Trois magasins plus proches de chez vous. Torpedo sur Énergie, c'est la session rock cuisinée par Laurent Navarro. Rendez-vous à partir de 15h30 pour 20 minutes de rock british, australien, français ou ricain. Torpedo avec Pizza and Pasta, votre restaurant incontournable de Lanzvata. Classique, indé ou alternatif, les amplicrames et les guitares font leur show. Torpedo, la dose de rock d'énergie. Avec Pizza and Pasta, votre restaurant incontournable de Lanzvata, sur place ou à emporter. All right, are you ready for this? Nouvelle-Calédonie. Énergie, c'est ma radio préférée. Énergie, it's music only. Hey, now, take your pills and hey, now, make your breakfast. Hey, now, comb your hair and off to work. Crash, land, no illusions, no collision. Run away. I know, I know, I know.

orageux. Et on parlait des températures minimales à 17 degrés. Eh bien, les maximales ne vont pas beaucoup bouger puisqu'on est dans une fourchette de 22 à 26. Et puis demain, la journée, elle va complètement changer puisque le temps sera bien ensoleillé sur le pays. Toutefois, quelques courtes ondées circulent sur le sud et au Loyauté, ainsi que sur le relief l'après-midi avec des débordements nuageux vers l'ouest. La météo, c'est trois rendez-vous quotidiens avec Ménard Occasion. Pour plus d'infos sur nos véhicules, rendez-vous sur notre page Facebook. Toi

rendez-vous tous les matins de la semaine pour commencer la journée avec la banane. Le gag d'énergie proposé par le restaurant La Terrasse du Hilton. Venez découvrir notre nouveau concept, les Buddha Bowls, tous les midis, du lundi au vendredi. Et c'est Ben ce matin qui est avec nous. L'appartement. Oui, bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Ah, je vous réveille. Ah, excusez-moi. Non, c'est parce que j'appelle pour l'appartement. Oui, mais alors il y a une telle demande à Paris et si peu d'offres que moi en fait j'appelle dès que j'ai acheté le journal à l'ouverture du kiosque. Oui, à 5h du matin. Non, mais c'est pour mettre toutes les chances de mon côté. D'ailleurs, est-ce qu'il serait possible de le visiter cet appartement? Très bien, je vous laisse mes coordonnées. Oui, alors je suis monsieur Ben Abdallah. Allô? Ça a coupé, je vais le rappeler. Hein. Allô? Oui, ça a coupé. Je dis, on a été coupé. Eh ben, c'est le monsieur pour l'appartement. Comment? Ah non, c'est pas Ben Alala, non, c'est Ben Abdallah. Eh ben, B-E-N. Allô? Ok, bon, là, je crois que j'ai compris. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Allô? Oui, bonjour, madame. J'espère que je vous réveille pas. Ah, mince. Non, c'est parce que j'appelle pour l'appartement. Alors, on est tellement nombreux à Paris que moi, j'appelle... Mon nom? Oui. Oui, alors, je suis monsieur... Monsieur Benal. Ah oui, je suis français, oui. Chrétien, catholique et pratiquant, madame. Madame Cohen. Oui, je vous écoute, madame Cohen. Mes trois dernières fiches de salaire, un contrat de travail et un avis d'apposition, ok. Oui. Et une fiche d'état civil, d'accord. Et un extrait de casier judiciaire. Et la photocopie de ma carte d'identité, recto verso. Ok, c'est tout? Oui, vous demandez un revenu supérieur à 4 fois le montant du loyer, ouais. Non, mais c'est normal, il vous faut des garanties, je comprends. Hein. D'ailleurs, il est de combien le montant du... 4000 francs! Oui, non, c'est raisonnable. Il fait quand même 20 mètres carrés. Bon, puis il suffit de gagner 16 000 francs par mois. Hein. Net, oui, bien entendu, net, oui. Moi? Bon, bah, ça fait même 18 000 francs, alors... Enfin, si on additionne mes trois dernières fiches de paye. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Monsieur! Oh là là, excusez-moi de vous réveiller. De vous déranger! Et de vous réveiller, bah oui, il est 5h, Paris s'éveille. C'est pour ça, moi, j'appelle le journal dès que j'ai ouvert le kiosque. Sinon, je m'en sors pas. Alors, j'ai tous les papiers, par contre, je gagne pas beaucoup d'argent, parce que je suis encore jeune, mais je veux dire, mes parents peuvent se porter garant, quoi. Je veux dire, on peut s'arranger. C'est bon. Allez, vous voulez dire que vous êtes d'accord pour me louer l'appartement? Oh purée, c'est génial. Ah, je sais pas quoi vous dire, là, je commençais à croire que je trouverais jamais. Ah si, je vous assure, bah, les gens depuis tout à l'heure, je sais pas ce qu'ils ont. Là. Dès que je leur dis que je m'appelle Ben Abdallah, ils me raccrochent au nez, les gens! C'est pas vrai, ça! Non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez voir de quelle voix je me chauffe, ça ne va pas se passer comme ça. Allô, je vous réveille? Je sais, mais j'en ai rien à foutre. Eh ben non, parce que moi je me suis levé à 5h du matin pour aller chercher le journal des petites annonces de particulier à particulier, et depuis tout à l'heure, on me raccroche au nez quand je dis que je m'appelle monsieur Ben Abdallah. Mais je tiens à vous dire que je ne changerai pas de nom. Comment? Ah oui, bonjour. Non, c'est parce que en fait, depuis tout à l'heure, quand je dis que je m'appelle Ben Abdallah, les gens, ils me raccrochent au nez, mais... alors que moi, je veux dire, c'est pas de ma faute, j'ai pas... Ah, vous, ça vous dérange pas? Ah, c'est génial, alors. Ah, d'accord. Il est déjà loué. Du délire et les meilleurs humoristes, c'est le gag d'énergie avec... Le restaurant La Terrasse du Hilton. Découvrez notre formule Buddha Bowls qui fera de votre déjeuner un moment coloré, vitaminé, complet et sain. Le gag d'énergie, on n'y résiste pas. I told you, take my hand through the flame. I told you, I'm a slave to your games. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I'm a sucker for pain. I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg, 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us?

Ouverture des inscriptions en août. CAP, BAC, BTS et Bachelor. L'alternance, un diplôme, un salaire. Inscription au point apprentissage. Plus d'infos sur le www.apprentissage.nc. L'apprentissage, yeah, voilà le messager. Connexion internet, fax et scan, cyber.nc. Imprimante, reliure et plastification, cyber.nc. L'écrivain public qui vous aide à rédiger vos courriers, lettres de motivation et CV, ça c'est signé cyber.nc. Cyber.nc, le cyber qui t'accompagne, derrière le musée de la ville. Envoie 10 sous au 41. Mais non, c'est pas 10 sous qu'il faut envoyer, c'est 100 comme 100 000 francs. Deviens un auditeur gagnant en écoutant Énergie. Bravo! Envoie 100 CENT au 41. Énergie t'offre un bon d'achat de 100 000 francs. Valable dans un supermarché de Nouméa. Envoie 100 CENT au 41. 100 pour 100 000 francs. Et tu pourras faire tes courses pendant quelques mois pour seulement 368 francs. Envoie 100 CENT au 41. Et à toi, le bon d'achat de 100 000 francs. Validité 6 mois dans un supermarché de Nouméa. Envoie 100 CENT au 41. Jeu gratuit, bulletin disponible à Énergie. Tirage sort le 31 octobre à midi en direct sur Énergie. Vous aimez la nature? Les 15 et 16 octobre, venez profiter des portes ouvertes du parc des Grandes Fougères. Visite guidée, randonnée à cheval, marché local, camping et restauration sur place. Entrée gratuite, animation sur inscription. Info sur Facebook, parc des Grandes Fougères. Vous aimez Daft Punk? Alors rendez-vous vendredi 14 octobre au Pop Light pour Tribute to Daft Punk. Une exclusivité 100% pop le 14 octobre. Pour cette occasion, un voyage et deux week-ends sont à gagner. Alors joue maintenant et envoie Pop par SMS au 3118. 147 francs le SMS. Plus d'infos sur le Facebook du Pop Light. Le Ciné City présente Bridget Jones Baby. Il est canon et il a une très très jolie marionnette. Je suis enceinte. Donc tu ne sais pas du tout lequel de nous est le père. Il y a bien une de ces deux dates qui doit coller, non? Les deux dates collent en réalité. Alors revenez me voir avec le père quand vous saurez qui c'est. Bridget Jones Baby, actuellement au cinéma. Ciné City, projecteur d'émotions. Besoin de repos, envie de voyage, de massage, d'excursion? Avec les lessives Omo, faites voyager vos sens et partez à la découverte de Bali. Jusqu'au 13 novembre, Omo t'offre un voyage à Bali pour deux personnes. Tente ta chance et envoie Omo au 3601. Évadez-vous grâce aux lessives Omo et leurs parfums subtils. Règlement disponible chez Cocogé Distribution. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Coût d'un SMS 231 francs. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Pas de panique! Dans Zoom Télé, Énergie vous rencarde sur tous les bons plans de la soirée. Zoom Télé, avec Auto Point, entretien auto, pneus, accessoires 4x4 et contrôle technique à Ducos au 28 81 81. Films, documentaires, sports, séries ou émissions de télé-réalité, Énergie fait sa sélection et vous fait part de ses coups de cœur. Zoom TV, avec Auto Point, le spécialiste de l'entretien et de l'équipement automobile, deux centres connus Ducos, 28 81 81. Station. Énergie Nouvelle-Calédonie. Énergie, it's music only. La minute du professeur Vanderkroot, c'est rigolo, mais rien n'est faux. Avec Cuisine Plus, conseil et recherche du meilleur rapport qualité-prix. Cuisine Plus, au Plexus, chez Socaport, donnez un sens à votre décor. Les questions existentielles du professeur Vanderkroot. Qui a inventé les frites? Les Arabes ont le pétrole et les Belges ont la frite. Eh ben, au moment de la création du monde, on voit qui s'est servi en premier, hein. Oui, nous sommes arrivés les premiers et nous avons bien choisi une fois. Ah oui, ce qui est sûr, c'est qu'on vous fera jamais la guerre pour vos frites, hein. C'est toujours ça de prix. La capitale mondiale de la frite n'est autre que Namur. Si cette ville est ravagée par le chômage et l'alcoolisme, la nature leur a offert la Meuse en lot de consolation. Ah, c'est beau comme fleuve. Les pêcheurs avaient l'habitude de faire frire dans de l'eau bouillante leur pêche du jour. Mais un beau jour d'hiver de 1781, la couche de glace était telle que la pêche était impossible. On a faim ! Mangez ! Mangez ! Et le Belge a bon appétit. C'est alors qu'un pêcheur a eu l'idée de tailler des formes de poissons dans des pommes de terre qu'il a fait frire à leur tour. Ah, oh, c'est très bon, petit oncle. Une fois. Buvez l'huile de la friteuse aussi, mon garçon. Il n'y aura pas assez de frites pour tout le monde. La frite a depuis été déclinée sous bien des formes. Les bûches, les ponts neufs, les allumettes ou encore les cheveux d'or. Seulement voilà, l'origine de la frite est également revendiquée par la France. Certains historiens de la frite sont même persuadés que c'est pendant la révolution de 1789 qu'on faisait frire le reste de pommes de terre dans de la graisse animale pour nourrir les affamés. Vous y pensez à tout ça, vous, stagiaire Bernardin, quand vous vous bafferez de frites? Oh, non, professeur.

brought a pen in hand. The conversation went like this. Tell me your desire, why you pulled me from the fire, and we'll seal the deal with a kiss. So I wanna raise the dead, find a note that I can shred on my walls. I scroll my gods. Don't care what happens when I die, as long as I'm alive. All I wanna do is rock, rock, rock. La sale journée qui se présente, mais dès demain ça devrait aller beaucoup mieux. On va souhaiter une bonne fête puisqu'il est maintenant 8h, une bonne fête à Ghislain, Ghislaine et à Virgile. Toute l'actu de la matinée sur Énergie avec Toyota. Nous répondons à vos demandes au 25 52 52 sur www.toyota.nc ou sur notre page Facebook Toyota Nouvelle-Calédonie. On dira bonjour à Karen tout à l'heure, on a le temps. Pour l'instant, salut Delphine qui vient nous informer. Bonjour JB, bonjour tout le monde. Et suite à une anomalie, l'A330 de la compagnie aérienne Air Calin qui devait rallier la Tontuta a dû se reposer samedi à Tokyo. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes du dysfonctionnement avec le constructeur Airbus. Près de 7000 personnes ont foulé le salon BAT Expo. Ils étaient plus de 110 professionnels cette année à la 26e édition. Alexia Noé comparaissait devant le tribunal correctionnel vendredi matin pour le caillassage de militaires à Canala en janvier 2015. En plus des 3 ans de prison ferme, il a interdiction de détenir une arme pendant 10 ans et la suppression de ses droits civiques pendant 5 ans. Jérémy Obosil est arrivé premier du triathlon cross de Vaud samedi en 1h14 et chez les femmes, Céline Hirzel s'impose en 1h26. En Essonne, 4 policiers attaqués avec des cocktails Molotov par une quinzaine de personnes. Le pronostic vital d'un policier de 28 ans est engagé. L'ouragan Matthew, qui a fait près de 900 morts et des milliers de sans-abri en Haïti, a perdu de sa puissance et en abordant la Caroline du Sud. Et 11 morts ont été signalés dans le sud-est des États-Unis. Une grande cérémonie funéraire se déroulant samedi à Sanaa au Yémen a été frappée de plein fouet par une attaque aérienne dévastatrice. Près de 140 personnes auraient perdu la vie. Enfin, les vieux dossiers, les affaires sexuelles prennent le dessus dans la campagne électorale américaine à quelques heures du deuxième débat opposant Donald Trump et Hillary Clinton. Énergie. Sport News. Sport News, l'actualité sportive, c'est Sport News avec les pneus Pirelli, la puissance maîtrisée. Attention, c'est très important puisqu'on commence par les matchs comptants pour la qualification de la Coupe du Monde. Et le Pays de Galles a donc concédé un match nul à domicile contre la Géorgie, un partout, et perdu 2 points dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2018. La Croatie et l'Ukraine ont toutes les deux gagné dans le groupe H, 0-1 face à la Finlande pour la Croatie, 3-0 contre le Kosovo. L'Islande, elle, a remporté sa première victoire, 2-0 face à la Turquie. L'Italie a arraché les 3 points en Macédoine, 3-2. L'Espagne s'impose 2-1 en Albanie. Puis l'Algérie-Cameroun, le match n'est pas terminé. Pour l'instant, c'est 2-1 partout. Dans le top 14, Clermont s'impose face à Toulouse. Et Clermont qui a repris la tête du top 14, abandonné provisoirement à La Rochelle après s'être difficilement imposé face au Stade toulousain, 29-25. C'était dimanche à domicile, au terme d'un match de la 8e journée indécis jusqu'au bout et qui pourra laisser des regrets aux rouges et noirs. Alors au classement, l'ASM compte 3 points d'avance sur les Maritimes et 8 sur le 7e qui est Brive. En Formule 1, le Grand Prix du Japon revient à Rosberg. L'Allemand s'est encore rapproché de son premier titre mondial des pilotes en remportant le Grand Prix du Japon. C'était dimanche à Suzuka, parti en pole position et auteur d'un sans faute. Rosberg a terminé devant le Néerlandais Max Verstappen et l'autre pilote de son écurie, Lewis Hamilton. C'est un Kenyan qui s'adjuge le marathon de Chicago. Et il s'appelle Abel Kirui. Il a privé son compatriote Dixon Chumba d'une deuxième victoire consécutive dans ce marathon en le lâchant à moins de 2 km de l'arrivée. Enfin, en tennis, le tournoi de Metz sort du circuit. Lucas Pouille restera le dernier vainqueur de l'Open de Moselle. Metz ne fera plus partie du circuit ATP la saison prochaine. En proie à des difficultés financières, le tournoi a été vendu à un consortium industriel en Asie-Pacifique qui organisera sa compétition désormais à Taïwan, faute de pouvoir suivre l'inflation des prize money. Énergie. Sport News. Avec les pneus Pirelli, chez SGIA Pneus Montagne Coupée. Sport News, c'est sur Énergie. Énergie. Sport News. Tous les matins, de 8h à 9h, dans Caféine, c'est Karen qui prend les commandes. Avec Fitzone, découvrez le studio HIIT. Explosivité, minceur et résultats garantis. Plus d'infos au 24 16 80. Bonjour, bonjour et bon lundi. Oui, on prend les mêmes et on recommence. Sauf qu'aujourd'hui, il fait un peu plus froid que d'habitude, n'est-ce pas JB? Et oui, mauvaise météo pour aujourd'hui, de la pluie. Ah, et puis? Et puis du froid. Ah oh, bah Berk. On va rester sous la couette juste 22, après. 22 à 23 degrés pour un mois d'octobre. Oh, c'est horrible. Ah, oui. Je vais me recoucher après à 9h. C'est juste pour vous mettre les boules un petit peu. Mais aujourd'hui... Ouais, c'est pas l'heure de décorer le sapin. Ouais, non. On va gagner des places de cinéma sur Énergie pendant cette heure-ci. Vous envoyez ciné au 3511, il y a plein de bonnes sorties prévues. Justement, pour occuper vos enfants, Delphine, tu te posais la question. Eh bien, il y aura du film d'animation avec Cigogne et compagnie, c'est très mignon. Ça t'apprend comment livrer des bébés. Et puis, il y aura aussi des films d'horreur pour les plus grandes et interdits au moins de 12 ans aussi avec Morgane et Victoria pour des comédies dramatiques. Donc, ciné au 3511 pour gagner 2 places de ciné. Qu'est-ce ça va occuper les ados, les moins de 12 ans. Bah voilà. Les films interdits au moins de 12 ans. Voilà. Bah non, ils iront film d'animation, arrête. Et Blair Witch, tu crois que ça peut leur plaire? Bah bien sûr, Blair Witch, ça plaît ans, à tout le monde. Ça peut être sympa. Ça, à 5 ans, ils vont savoir comment utiliser une lampe torche et se perdre dans la forêt. Ah. Je te dis ça, mais je ne l'ai jamais vu. Hein. On va parler de Kungs, justement, qui prépare son premier album dans Music News à 8h30. On parlera aussi de John Legend, qui est de retour avec un super single. C'est très romantique, comme d'habitude. Et puis, justement, on va écouter Kungs pour démarrer avec leur dernier single, You Don't Know. Il y aura aussi Justin Timberlake et U2. Voilà, c'est dit, bon lundi, mettez du soleil dans votre cœur. Mm-hmm. Énergie Nouvelle-Calédonie. 93.5. Ouais, j'ai gagné. Oui, j'ai gagné. Et ça continue avec des gagnants toute l'année chez Shell. Et si c'était votre tour? Jusqu'au 17 mars 2017, remplissez votre bulletin de jeu dans les stations Shell et Pacifique pour gagner 3 Ford Ranger, 3 iPhone, 3 iPad et des bons de carburant. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible à SSP. La Minute Verte, c'est avec Énergie, avec la ville de Nouméa. Pourquoi les pneumatiques doivent-ils être triés et recyclés? Que deviennent les piles collectées? Où sont-elles traitées? Vous avez la fibre verte et vous vous posez les bonnes questions? La ville de Nouméa vous donne les bonnes réponses dans la Minute Verte. La Minute Verte, c'est tous les mardis à 11h40 et à 16h30 le samedi sur Énergie. La Minute Verte, c'est avec la ville de Nouméa. Tous éco-citoyens, tous éco-responsables. La Minute Verte, c'est avec la ville de Nouméa. Tous éco-citoyens, tous éco-responsables. Responsable. Envoie 10 sous au 41. Mais non, c'est pas 10 sous.